Well, our belief is that the OAU nous sommes persuadés que l'OUA a complètement échoué to solve this problem, pour résoudre ce problème et qu'il est temps to look towards other sources, de se tourner vers d'autres sources conflict, pour trouver une résolution au conflit, une solution. If there are other African countries outside the OAU, si d'autres pays africains en dehors de l'OUA désirent participer, ils seront les bienvenus. But perhaps mais peut-être we believe that we should look now envisagerons-nous towards, de nous tourner say, Europe, vers l'Europe other countries, ou d'autres pays to assist in bringing about a settlement. Pour nous aider it à trouver un terrain d'entente. Mais en aucun cas, cela ne pourrait être fait par l'OUA, car l'OUA, par sa résolution, s'est enlevé toute possibilité de jouer le rôle de médiateur. Quel bilan peut-on faire, Elikiam Bokolo, de l'action de l'OUA face à cette crise biafraise ? Dans l'Afrique de la fin des années 60, la guerre du Biafra a été un peu ce que la sécession du Katanga a été pour l'Afrique du début des années 60. Voici une province riche en pétrole, riche en cadres humains, qui décide de faire sécession et donc de remettre en cause le principe adopté par l'OUA de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Comme au moment de la sécession katangaise, les États africains membres de l'OUA vont se diviser en deux camps. D'un côté, ceux les plus nombreux qui réaffirment en faveur du Nigeria le principe de l'intangibilité de ces fameuses frontières, et de l'autre, peu nombreux, ceux qui, pour des raisons très diverses, prennent parti pour le Biafra. Mais ce sont de grandes voix. Il y a d'abord celle de Félix Houphouët-Boigny, il y a ensuite celle de Omar Bongo, et il y a enfin celle de Julius Nyerere. L'OUA finalement a échappé à l'éclatement, mais il faut bien souligner que c'est la victoire militaire de l'armée nigériane qui, en réintégrant le Biafra dans l'État fédéral, a permis à l'organisation panafricaine de s'en sortir à bon compte. Autre affaire d'importance, celle du Sahara occidental. Il faut remonter en 1958, moment où l'Espagne rétrocède au Maroc la province de Tarfaya. À dater de cet instant, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie réclament la décolonisation du reste du territoire sur lequel l'Espagne exerce sa souveraineté, autrement dit, la province du Sahara occidental. Écoutons en 1967 le président de la République de Mauritanie, Mokhtar Ouldadah.